Vous écoutez ? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL de 89.1, une radio qu'on peut aussi écouter sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver en compagnie d'artistes qui sont passionnés par le son, la matière sonore telle qu'elle se manifeste dans nos oreilles et parfois souvent dans le corps tout entier quand le volume a de l'envergure. J'accueille ce soir Marc Lalonde, un musicien, un artiste sonore, un créateur d'instruments et un performeur qui dialogue depuis plusieurs années avec la matière, une matière qui prend diverses formes, architecture, parfois des minéraux, des sculptures. Je résumerai la démarche de Marc Lalonde en ce qu'elle consiste à sonder le réel avec ses microphones. Il fait ça sur le terrain, comme il l'a fait, par exemple, pour ce magnifique projet d'exploration sonore de sculptures d'art public. Marc Lalonde récidive cette fois avec un projet de même nature, un projet intitulé Sédiments 12, un projet qui sonde le potentiel sonore des roches inspirées par les rythmiques du blues. Alors, il fallait y penser, il fallait le faire, un projet, vous allez voir, très, très passionnant, fait par un passionné. Alors, j'ai rencontré Marc Lalonde cet été dans son studio à Longueuil pour échanger avec lui sur la passion et les projets qui l'animent. Alors voilà, parole à Marc Lalonde. Marc Lalonde, bienvenue à l'émission. Très heureux de te retrouver chez toi ce matin dans ton studio à Longueuil, dans un quartier magnifique. Oui, ben, très heureux de t'accueillir ici dans mon studio, dans mon quartier magnifique. Oui, tout à fait. Marc, écoute, tu as produit là, quelques albums récents, dont un qui s'appelle Sédiments 12. Ce sera le sujet de notre conversation, en tout cas, ce soir. Mais ce dont je voulais te parler, c'est de création artistique. Et je voulais que tu nous parles un peu de ce moment d'éveil à la création sonore. Comment ça apparaît, cette affaire-là? Parce que je constate tout de même, en regardant ton studio, que tu es probablement, à la base, un musicien là, formé dans les traditions du langage musical. Alors, l'art sonore, comment ça surgit? L'art sonore, c'est... En fait, je pense que la passion est née... Le plus lointain souvenir que j'ai, c'est d'écouter les feuilles de peuplier quand ils ventent. Et j'aimais tellement ce son-là. Je pense que ça a été comme un déclic à l'éveil, au son en général. Puis, après ça, j'ai fait des études en arts visuels, en théâtre. J'ai exploré la création sous toutes ses formes. Mais je faisais de la musique aussi, puis tout ça s'est entremêlé. Puis je pense que c'est l'amour du son qui m'a dirigé vers l'art sonore, tout simplement. Ouais. Je parle d'art sonore, mais évidemment, quand on regarde ton curriculum, on réalise aussi que, il y a un intérêt pour inventer les instruments, d'une part. Puis d'autre part, je fais une distinction, un distinguo entre l'art sonore puis la conception sonore, ou en tout cas le design sonore en tant que tel. Comment tu distinguerais en tout cas, ces deux éléments-là, celui qu'on appelle art sonore du design? C'est une colle. Ouais, c'est une colle, hein? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que moi je fais une distinction entre les deux, entre l'art sonore et le je te fais, ouais, je te facilite, disons, je change un peu ma question, mais est-ce que pour toi le processus de travail est similaire quand tu t'adonnes à un projet qui va aboutir sur votre plateforme, ta plateforme de diffusion à Aquaplanage? En contrepartie d'un projet où on t'aurait passé une commande, par exemple, de design pour un film ou pour un environnement urbain? Oui. En fait, la grande distinction, c'est que quand j'ai une commande, il y a quelqu'un qui tient les rênes, puis je dirige toujours quand même le projet dans ce que je fais déjà, dans ce qui est ancré en moi. Puis, mais quand je fais un projet qui est vraiment personnel, là, je suis à l'écoute de mon cerveau. Puis, j'écoute vraiment les propositions qu'il me fait. Et puis, selon mes dernières lectures sur la créativité et le fonctionnement du cerveau, je me suis rendu compte qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de contrôle sur ça. En fait, on a zéro contrôle sur la spontanéité des idées qui apparaissent dans notre cerveau. On a le contrôle après ça sur ce qu'on fait avec, ce qu'on décide de poursuivre comme cheminement. Puis on a aussi le contrôle sur comment on nourrit notre cerveau. Mais le Eureka, on ne le contrôle pas. Et puis c'est à partir de ça que mes projets personnels sont nés. Par exemple, mon projet avec les sculptures, c'est né comme ça. Et pendant que je faisais mon projet, il y a des nouvelles idées qui sont arrivées, puis je les ai accueillies, puis j'ai dit, oui, c'est là que je vais aller. Mon cerveau, il me dit d'aller là, je vais y aller. Ouais, c'est pas mal comme ça. Oui, je vois bien, Marc. Écoute, pour se mettre un peu dans l'ambiance de ce travail que tu mènes tout de même de création sonore depuis quelques années, on va écouter un extrait de cet album qui s'intitule « Rats des villes, rats des champs », que je trouve intéressant comme matière première là, d'écoute parce qu'il combine à la fois un univers musical et puis des phonographies, c'est-à-dire des captations sur le terrain. Donc, un travail qui donne un aperçu de ta personnalité d'artiste. Alors, on écoute ça. Thank you. Bon, Marc, on vient d'entendre ce projet intitulé « Ras des champs, ras des villes » ou c'est l'inverse, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Dis-moi, si tu avais à définir ta démarche artistique, quels sont les mots qui te viennent à l'esprit? Ben, ce qui est à la base de ma démarche artistique, c'est de me mettre dans le trouble puis d'essayer de m'en sortir. D'avoir une hypothèse de travail dont j'ai aucune idée de l'issue. Je le vois un peu comme sauter en parachute avec plein d'équipements pour me fabriquer un parachute, mais je ne sais absolument pas de quoi il va avoir l'air mon parachute, mais je sais très bien que je vais bien atterrir. Ça, c'est comme la base de tous mes projets artistiques. Puis en me mettant dans une situation où je suis confronté à de la nouveauté, où je suis confronté à des contraintes, j'ai pas le choix d'explorer des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles avenues. Fait que c'est ce qui m'allume le plus, en fait, c'est la découverte. Marc, si on prenait, pour exemple, ton projet, le dialecte des sculptures, je prends cet exemple-là, beau projet. Comment ça s'inscrit dans ta démarche, cette affaire-là en particulier, qui est tout de même différent du projet qu'on vient d'entendre à propos de Ras des champs, Ras des villes. Là. Et dans ce cas-là, il y a une idée maîtresse derrière ça. Y avait-il, ou encore une influence particulière? Bien, en fait, je ne sais pas s'il y avait une influence particulière, mais j'avais l'intérêt de sonder ces sculptures-là, parce que j'adore les sculptures d'art public, je trouve ça fantastique. J'avais un intérêt à sonder le sonore de ces objets-là, puis de laisser les sons guider la direction que j'allais prendre musicalement. Puis... bien sûr que dans mon hypothèse de travail, j'avais une idée, j'avais un bourgeon d'idées qui me disait, bon, ça, je pourrais aller là, ça serait facile, tu l'as déjà fait, Marc, ça va bien aller, ça va être correct. Puis après ça, ben, je me suis laissé porter par les sons qui émanaient de ces sculptures-là. Puis j'ai commencé à les faire réagir les unes avec les autres. Puis c'est ça qui a donné la matière qui a complètement guidé le projet. Je me suis laissé porter par la matière. En tout cas, c'est un projet très, très réussi. Puis on va en écouter un extrait tiré de ce dialecte des sculptures. Et c'est un titre assez intéressant, évocateur. Ça s'intitule « Le temps ». C'est une interrogation. « Le temps est-il audible ?» Alors, on écoute ça. Thank you. Marc, ce projet Dialecte des sculptures, projet assez étonnant au fond, cet intérêt pour les sonorités liées à l'espace urbain. Et ça m'amène à cette interrogation, tes sources d'inspiration. Qu'est-ce qui t'inspire là, généralement, dans le travail de création, que tu sois musicien? Bon, tu as évoqué les arts visuels, mais dans le quotidien, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient te chercher plus que d'autres et qui me dit « Ah, ça, c'est une idée prometteuse » ou « ça évoque quelque chose » Comment on cherche toujours à savoir un peu comment, comment apparaît la motivation dans le travail de création. Bien, en fait, on peut, tiens, je vais en parler comme un peu en deux parties. Tu sais, il y a mes influences musicales qui sont assez multiples, qui vont dans toutes les directions. Des grosses influences de ma vie, bien évidemment, il y a John Cage. Mais il y a, tu sais, je pourrais en nommer plein, là aussi, l'art des bruits de, au solo. Mais il y a aussi toute la musique pop, rock, que dans mon adolescence, j'en ai écouté plein. Ça fait quand même partie de toutes mes réflexions. Puis, ce qui va guider souvent mon projet, c'est plus une réflexion sur la vie, une réflexion sur le fonctionnement du cerveau, sur notre façon d'être, sur notre raison d'être. C'est ça qui m'amène à avoir une réflexion sur le son, puis de me laisser aller à travers ça. On va pour donner du sens à ce que tu racontes, on va écouter un extrait. C'est un premier extrait de ton projet Sédiment 12 et le titre de la pièce, Le basalte se repose. Un titre très, très évocateur, très poétique. Alors voilà, on y va pour une écoute. Thank you. Marc, on vient d'entendre un extrait de ton dernier projet, là, Sédiment 12, un projet extrêmement intéressant qui porte sur la matière minérale en particulier. Il y a autre chose. Et j'aimerais que tu me racontes l'histoire de ce projet, aussi simplement. Bien, en fait, c'est né d'une commande, une commande pour un musée à Thetford Mines. Et puis, la commande, c'était de faire une ambiance sonore pour le musée. Puis moi, ce que j'ai proposé, j'ai dit, bien, il va y avoir 12 haut-parleurs. Et en fait, c'est une exposition sur les animaux et sur les roches, sur le minéral. Mais j'ai dit, la musique, l'ambiance sonore, ça va juste être des sons de roches et d'animaux. Je vais mélanger les deux. Je vais essayer de faire des sons d'animaux avec les roches. Je vais essayer de, en tout cas, de créer une zone floue entre les deux, puis je vais diffuser ça dans 12 haut-parleurs séparés qui vont être installés dans la pièce pour créer une atmosphère. Et quand on se déplace, bien, ça change tout le temps, fait qu'on est toujours dans un nouveau monde avec nos déplacements. Et puis, bien, à force de jouer avec les roches, j'ai commencé à y prendre goût. Puis à aimer vraiment, vraiment beaucoup la sonorité de ce matériau-là. Puis j'ai continué mes recherches, j'ai frotté des roches ensemble, j'ai cogné des roches ensemble, je suis allé chercher des roches, j'ai allé chercher de l'ardoise, je suis allé chercher toutes sortes de roches différentes pour voir les sonorités qu'ils pouvaient avoir. Puis, c'est la matière de base. Ensuite de ça, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire avec ces roches-là? Je pourrais les faire réagir comment? Puis, l'idée d'utiliser des sons de guitare, l'idée d'aller sonder le monde du blues avec les roches, il y avait comme une connexion qui s'était faite dans ma tête par certaines sonorités, par... Je ne sais pas exactement comment l'expliquer. Quand j'ai commencé à jouer avec les deux, de faire résonner les guitares avec les roches à travers avec un reverb de convolution, c'est la base de mon travail. Ça, dans cet album-là, c'est pas mal ça qui est utilisé. En fait, c'est juste ça. Il n'y a pas d'autre effet, il n'y a pas d'autre. C'est vraiment la convolution et ces deux éléments-là ensemble qui se font réagir. Donc, ça, c'est la genèse du projet. Marc, on va justement écouter un autre extrait de cet album, Sédiment 12. Ça s'intitule « La vie secrète des strates » et je pense que ça illustre bien ce que tu viens de nous raconter. Mais voilà ce qui complète la première demi en compagnie de l'artiste sonore musicien Marc Lalonde. Restez des nôtres, je vous reviens après un bref battement promo. À tout de suite. Thank you. C-K-R-L-89-1. Vous écoutez? La croche-oreille. Alors voilà, on est de retour. Vous écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes CKRL 89.1. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. Bon, je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille, ainsi que toutes les émissions disponibles ou conservées jusqu'à maintenant. J'accueille ce soir en entretien l'artiste sonore, musicien, bricoleur d'instruments, Marc Lalonde, dans la foulée de la sortie d'un album récent, magnifique album intitulé « Sédiments 12 », une quête artistique imaginée à partir des impulsions sonores issues de minerais frottés, grattés, cognés, comme nous l'a présenté Marc en première partie, une symphonie granuleuse et harmonieuse qui offre à l'auditeur, raconte Marc Lalonde, un univers percussif et onirique, tout ça inspiré de la structure classique en 12 mesures du blues conventionnel. Alors, un magnifique projet qui a obtenu, je le souligne, le soutien du Conseil des arts de Longueuil. Alors, on poursuit l'écoute de l'entretien que Marc Lalonde m'accordait en plein cœur de l'été dernier. Alors, on écoute ça. Marc, je ne passerai pas à côté de ce titre, « Sédiment 12 ». Bon, le sédiment, on voit un peu. Le 12, raconte. Ah ben, le 12, ça vient du blues, parce que le blues de base a 12 mesures qui sont répétées. C'est une forme harmonique de 12 mesures qui sont répétées tout au long de la pièce. Et c'est tout simplement ça, le lien entre... Est-ce qu'on peut dire que la musique là, est omniprésente dans tes projets, même si dans le cas du dialecte des sculptures, elle est pas nécessairement là? Mais pour toi, est-ce que le paradigme musical est un peu en arrière-plan de ton travail quand tu es sur le terrain, que tu fais des captations, ou encore, comme ce matin, on est dans ton studio et là, je vois les matériaux sur ta table qui vont donner source à du matériel sonore de départ, là? Je vais dire oui, même si ça paraît pas, même si le tissu entre les deux est très, très, très, ou le fil qui les raccorde est très mince pour nos oreilles, le lien est là quand même parce qu'il y a toujours un travail de tension et de résolution. Et la musique, c'est toujours des tensions et des résolutions. Et même dans mon travail d'art sonore, il y a ça aussi. Il y a une histoire que je raconte. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une aventure. Ça s'en va par là. Il y a un chemin. Donc, il y a toujours cette chose-là qui est dans la musique, qui se retrouve dans mon travail. Dis donc, un peu comme on l'a vu avec certains artistes qui vont dire que chaque métal, sa sonorité... tu évoquais tout à l'heure cet inventaire de minéraux que tu as fait, de roches. Serais-tu prêt à dire que chaque roche a une sonorité, une personnalité sonore singulière? Complètement, complètement. Puis, même si on prend deux ardoises différentes, ils n'ont pas le même son. Je suis en train justement de travailler sur un nouvel instrument qui va être constitué de lames d'ardoises. Puis, il va falloir que je fasse une sélection, trouver celles que je trouve les plus riches, les plus fun à jouer. Puis, je vais me construire un instrument avec ça. Mais ils sont toutes différentes. Chaque roche a sa sonorité. Marc, dans ton travail, dans ta discographie, on pourrait dire ça comme ça, là, de créateur sonore, il y a du travail de collaboration qui a été réalisé soit dans le contexte de résidence ou encore dans le partage d'idées. Je pense entre autres à ce projet que tu as réalisé avec Sébastien Clich, qui s'intitule « Pavillon des loisirs ». Il y avait eu, je pense, un projet, il y a eu précédemment un projet sur lequel on a échangé ensemble, n'est-ce pas? Gringo Plaza? Non, c'était quoi? Voyons, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était Pavillon des loisirs. Ah, OK. Pavillon des loisirs. Pavillon des loisirs. J'aimerais que tu me parles du travail de collaboration, là. Comment ça s'articule pour toi, le partage des compétences là, dans la création d'un univers sonore? Puis j'aurais pu te reposer aussi toutes les questions jusqu'à maintenant sur comment s'organise le travail de création quand on partage là, un objectif commun avec une ou des personnes. Bien, je peux parler du projet Pavillon des loisirs puis de notre façon de travailler. Ça, en fait, c'est assez simple. C'est que chacun de notre côté, on travaille des sonorités, on travaille un monde, puis on ne se parle pas vraiment avant de se rencontrer, puis on met ça ensemble et on improvise. Ensuite de ça, on va s'asseoir, on va les écouter, on va écouter nos improvisations, puis on va se donner une ligne directrice. On va se donner une ligne directrice pour avoir un projet cohérent, créer un petit univers qui va appartenir à cet album-là, puis qui va être ça. C'est pas mal aussi simple que ça. Pas mal l'essentiel du travail de collaboration. Écoute, ça dit tout, et puis on va écouter ensemble un extrait de ce projet intitulé « Pavillon des loisirs ». Alors, on écoute ça. Bon, Marc, j'aimerais qu'on aborde cette fois. On est dans ton studio, je vois des instruments à cordes patentés qui font office de guitare et puis d'autres instruments. J'aimerais que tu me parles de ton projet, de ce projet de facteur d'instruments. D'où te vient cette passion-là? Parce que là, ça combine à quelque part à la fois le musicien, artiste sonore et puis bon, le patenteux ou l'ingénieur, là, l'ingénieur ingénieux. Parle-moi de ça, cette passion pour l'invention des instruments. Bien, ça part de l'amour de la découverte et de la surprise et de créer des instruments et d'avoir des nouvelles sonorités. À chaque fois que je crée un nouvel instrument, je m'arrange pour avoir un son que j'ai pas dans ma palette, avoir quelque chose de nouveau qui va me surprendre et puis que je vais devoir contrôler. Je vais devoir prendre cet instrument-là et jouer avec pour voir qu'est-ce qu'il y a à me dire. Et ne pas imposer à l'instrument les codes musicaux occidentaux. Plutôt créer un instrument, puis après ça, voir ce qu'il y a à me dire, jouer avec, puis créer quelque chose avec lui. Donc, je vais être obligé de sortir des codes parce que l'instrument ne répondra pas nécessairement aux codes musicaux qu'on connaît. Donc, ça m'amène ailleurs. Ça me force à explorer des nouvelles avenues. Marc, pour compléter cette rencontre passionnante, dis-moi quels sont tes projets là, pour les prochaines semaines, les prochains mois. Je sais que tu poursuis le travail autour de Sédiments 12 et puis peut-être autre chose, parle-moi de ça. Bien, en fait, Sédiments 12 a donné naissance à un instrument que j'ai fabriqué à partir d'une grosse roche calcaire. Puis je suis allé chez une sculptrice, elle m'a montré comment sculpter la pierre et j'ai fabriqué un instrument basé sur les instruments de musique de Pinuccio Sciola. Bon, je suis sûr que je prononce très mal son nom, mais c'est ça, sculpteur italien. Et puis, à la différence que moi, j'ai percé un trou dans l'instrument pour insérer de l'eau et mettre un aquaphone pour capter les vibrations de la roche. Puis là, j'ai passé beaucoup de temps à fabriquer cet instrument-là, à apprivoiser cet instrument-là. Puis là, je suis en train de développer un répertoire avec cet instrument-là pour me diriger vers les arts vivants. Être capable de prendre cette roche-là et d'aller faire des performances. Bon, c'est lourd à transporter, mais je vais y arriver. Est-ce que c'est le dispositif qu'on voit derrière ici? Exactement. Décris-nous ça un peu, Marc. Là. Bon, en fait, c'est un bloc de calcaire dans lequel il y a des coups de lame qui ont été donnés de façon à faire des bâtonnets de roche. Et puis, j'y ai donné une forme un petit peu de piano. Mais ça, c'est un peu... pas une blague, mais c'est comme... C'est le fun de penser que ça a l'air d'un vrai instrument de musique. On dirait un piano, mais non, c'est pas un piano du tout. Ça, c'est le musicien qui est omniprésent. Ouais, c'est ça. C'est là. Et puis, avec cet instrument-là, je passe ça dans mon ordinateur. Et puis après ça, les limites, il n'y en a pas. Et sinon, Marc, bon, je sais que tu m'as raconté que ce soir, on annonce là une aide, probablement une aide financière pour la poursuite de Sédiments, n'est-ce pas? Tu me confirmes? Ben oui, j'ai une bourse de la Ville de Longueuil pour poursuivre mon travail autour des roches, puis une aide finalement pour me construire un nouvel instrument et monter une performance de une heure et quart avec mes instruments en roche. Je suis vraiment, vraiment très, très, très content. Ça fait mon été, je dirais, là, d'avoir cette aide-là. C'est vraiment bienvenu. Très beau projet que ce Sédiments 12 et tous ceux qui vont venir par la suite. Marc Lalonde, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre aujourd'hui. C'était très agréable et puis je te souhaite bonne chance, dans le fond, dans cet été, un été plein de défis. Eh bien, merci. Merci à toi d'être venu dans mon studio. Thank you. Eh bien voilà, ainsi s'achève la croche-oreille pour ce soir en compagnie des créations de l'artiste sonore, musicien, concepteur d'instruments, Marc Lalonde. Alors, grand merci à Marc de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres qu'on retrouve sur la plateforme Aquaplanage. On retrouve ça sur l'autre plateforme qui s'intitule Bandcamp. Alors, comme à l'habitude, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Cela dit, restez les nôtres. C'est le Rock Medium de Matthew Johnson qui s'amène dès 22h. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Depuis les studios de CKRL dans Limoilou, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.